Deuxième partie. À la réception de l'Hôtel du Nord. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Delon. Vous me reconnaissez? Naturellement, je vous reconnais. Vos parents ne sont pas avec vous? Non. Ils veulent se promener tous les deux dans Paris et rendre visite à leurs amis. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais acheter une robe. Où se trouve le boulevard Haussmann, s'il vous plaît? Sortez de l'hôtel. Tournez à droite. Prenez la deuxième rue à gauche. Traversez la rue. Ensuite, prenez la première à droite. Ensuite, la quatrième à gauche. Jusqu'à l'avenue de Messine. Descendez cette avenue, tout droit, jusqu'au carrefour. Il y a un marchand de tabac au coin. Le boulevard Haussmann est là, devant vous. Merci, monsieur. De rien, mademoiselle. Au revoir.